Un soir d'hiver, par J.H. Rosny-Aîné. Je me rappellerai toute ma vie, dit Charles le Magre, l'épouvantable nuit de la Chandeleur, qui coïncidait avec mon 35e anniversaire. Nous venions de dîner dans Levrault. Il y avait un antique flacon de nuit sur la table et nos ressassions de souvenirs, ma femme et moi, au clair du feu, dans l'odeur réjouissante du café. Les petites jouaient dans la chambre voisine. Dehors, c'était un soir blanc, un soir d'argent, les arbres ciselés par des orfèvres incomparables, la lueur d'un croissant de lune et de la voie lactée. Ces nuits-là sont riches d'intimité, lorsqu'on a un bon foyer chaud et qu'on s'aime. Nous n'attendions que du bonheur. Je contemplais le visage clair de Louise avec un peu de cette émotion qui me tenait le jour où je l'avais offert ma destinée sous les poiriers en fleurs. C'est alors que l'on frappa à ma porte et que Guillaume, le jardinier, entra, brusque et tout tremblant. Il était blême, il gémit. « La bande de Carousse !» Ces mots nous fichèrent le cœur. Dans un éclair, nous évoquâmes l'audace et l'horrible férocité de cette bande, les tortures, les assassinats. Nous nous regardâmes avec un lourd frémissement. « Êtes-vous sûr ? » exclamai-je. « Jamais on ne les a vus à moins de 40 kilomètres d'ici. »« J'en suis sûr, » dit le vieux. Je revenais par la sente des hérissons. J'ai pu les apercevoir en bas, près de la roche bleue. Ils étaient 5. Il y avait une discussion, et j'ai entendu le nom du chef. Il se croyait bien seul dans cette nuit. « Tout est clos ?» demandai-je. « Tout était clos, sauf la porte du jardin que nous fermâmes. » Je pris mon fusil. Le jardinier accepta un revolver. Mais vieux et malhabile, c'était un triste défenseur. Dans la cour, le chien s'était mis à aboyer. Sur lui non plus, il ne fallait faire aucun fond. La pauvre bête était d'une nature inoffensive et même couarde. Je me rendis à l'étage où j'épiais l'ambiance avec une longue vue. Grâce à la neige, la lumière de la lune était efficace, on voyait à distance. Je pus discerner les hommes qui alternativement avançaient vers la clôture et se cachaient. Une émotion affreuse me roidissait le diaphragme. Je savais que rien ne les ferait reculer, qu'ils n'auraient aucune pitié des femmes, pas même des enfants. Tout de même, je tentai de les intimider en tirant deux coups de fusil. Des ricanements se firent entendre, le chien, épouvanté, gémissait tout bas. « Est-ce notre dernière nuit ?» murmurai-je. Le soir blanc me parut d'une beauté prodigieuse. En ce moment, on me toucha à l'épaule. Je me tournai et vis les grands yeux gris de Louise. Tout l'amour que peut contenir un homme fit palpiter mon cœur. Mais nous ne trouvions pas un mot à nous dire. Cependant, là-bas, un trou s'était fait dans la grande hormie. Des formes rampantes surgirent et disparurent. Puis deux coups retentirent à la porte principale, tandis qu'une voix criait « Ouvrez, c'est votre voisin !» Avant que j'eusse donné un ordre, le jardinier avait ouvert. Déjà le voisin était auprès de nous. C'était un petit homme sur le retour, maigre, frêle, un visage de plâtre, deux yeux étroits, le menton pointu. Je remarquai qu'il tenait une carabine, ce qui me parut à la fois touchant et dérisoire. Un sourire bizarre errait sur sa bouche. « C'est bien la bande de Carousse !» chuchota-t-il. « Je m'en suis douté tout de suite. » Son attitude ne marquait aucune crainte. « Monsieur, » exclamai-je, « je n'oublierai jamais. » Il se penchait vers le volet entr'ouvert. Il dit d'une voix rêveuse. « Le duc de Fraguière offre une prime de 50 000 francs et M. Laboureau 25 000. » Je l'écoute avec étonnement. Il ajouta, « Aurais-je enfin ma chance ?» Il me parut un peu fou. Encore qu'il habitât depuis 6 ans, à moins de 500 toises de ma maison, j'ignorais tout de lui. C'était un voisin paisible et presque mystérieux, qui cultivait les œillets et les roses jaunes. Personne ne le fréquentait. Il faisait lui-même son ménage. « Quelle chance ? » demandai-je machinalement. « Monsieur, » dit-il avec une nuance d'agitation, « avec 50 000 francs, ma vie serait parfaite. » Il n'y avait plus à s'y tromper. Le voisin était un démon, et sa présence ajoutait quelque chose de macabre à l'accablement de l'heure. « Attention » grogna-t-il. 5 hommes avançaient rapidement dans le verger, armés de marteaux et de haches. Le voisin épaula, cligna de l'œil et tira. Une détonation brève, là-bas, une silhouette tournoya, trébucha et s'abattit. « Est-ce lui ?» marmonna le petit homme. Déjà il visait. Un second bandit croulait sous la neige. Une clameur furieuse retentit, tout de suite suivie d'une 3e détonation qui fut aussi efficace que les 2 premières. Alors ce fut la panique. Les derniers malandrins s'enfuirent éperdument, pas assez vite toutefois pour que mon hôte n'en eût abattu un quatrième. Une joie vertigineuse remplissait nos âmes. Nous étions comme des ressuscités. Nous contemplions le petit vieux avec une gratitude religieuse. « Monsieur, m'écriai-je, vous nous avez sauvés plus que la vie. Est-ce que Carousse est parmi les tués ? » fit notre sauveur d'un ton anxieux. « Sinon, on les prime. » Déjà, il se dirigeait vers la porte. Nous l'entendîmes dégringoler les escaliers. Je le suivis machinalement et je le trouvai dans le jardin penché sur un des cadavres. « C'est lui ! C'est bien lui ! » exclama-t-il. « 75 000 francs ! La première vraie chance de ma vie !» Comme je tournai vers lui un visage béant. « Monsieur, dit-il, vous m'avez remercié, je crois, mais sans votre jardin, sans votre fenêtre, mon existence était fichue. Je n'ai qu'un seul talent, celui-là même dont vous venez d'être juge. Un talent inutile dans un pays comme celui-ci, où on ne rencontre pas même de gibier. L'idée qu'il n'y a peut-être pas de tireur comme moi en France, et que ça ne m'a jamais servi à rien, ça m'empoisonnait l'existence. Tout de même, il y a une espèce de justice, tout est réparé. 4 coups de fusil, bien sûr une vieillesse paisible. C'était Un soir d'hiver, par J.H. Roni-Aîné.